Vous écoutez CKRL au 89.1 et pour ce dernier segment d'émission de Futur Simple, nous allons changer complètement de sujet en allant faire un tour du côté des parasites. Toutes les espèces tentent à s'adapter à leur habitat en produisant la descendance la plus abondante possible. Les parasites n'échappent pas à cette règle et certaines utilisent des ruses qui sortent de l'ordinaire. Alors, pour se reproduire, ils modifient le comportement des organismes qu'ils infectent. Alors, pour nous en parler, je reçois Adèle Mazurek. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors Adèle, il existerait ainsi dans la nature des parasites manipulateurs. Oui, en effet, et c'est assez fascinant ce qu'un parasite peut faire à son hôte, par exemple le pousser jusqu'au suicide. Alors, dans la grande majorité des cas, la manipulation modifie légèrement les comportements qui existent déjà chez l'animal, mais elle peut aussi, dans certains cas, engendrer de nouveaux comportements, et tu vas voir, assez spectaculaire. Alors, on a bien hâte de découvrir tout ça, mais avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par parasite? Donc, en fait, un parasite, ça peut tout aussi bien être une guêpe, un ver. En fait, c'est la relation de parasitisme qui est importante. Donc, en fait, c'est une relation étroite où le parasite utilise un autre organisme que l'on appelle donc hôte pour en tirer des bénéfices. Et l'hôte, lui, est-ce qu'il retire un avantage de tout ça? Non, au contraire, dans le pire des cas, il meurt. Par contre, les parasites, eux, doivent se transmettre d'hôte en hôte pour se reproduire, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, et d'où les stratégies dont je vais vous parler. Quel est le premier animal manipulé dont tu vas nous parler? Alors, c'est la fourmi. Ah oui, ok. Oui, elle peut parfois avoir un comportement étrange, donc c'est pas forcément facile à observer. Elle reste immobile pendant plusieurs heures en haut de brindilles d'herbe. Alors, de temps en temps, elle descend pour se nourrir. Et si on observait cette fourmi-là au microscope, on découvrirait qu'elle est infectée par un ver parasite qu'on surnomme la petite douve du foie. Ok. Alors c'est elle en fait, cette petite douve du foie, qui pousse la fourmi à adopter ce comportement plutôt étrange, parce qu'on sait pourtant, les fourmis en général sont quand même assez actives. Et ainsi, lorsqu'une vache ou un mouton passe par là et broute la brindille, eh bien elle va avaler la fourmi et également les larves du ver parasite par la même occasion. Une coïncidence? Ben pas vraiment, non, parce que finalement les vers devenus adultes vont ainsi se reproduire dans l'herbivore, donc la vache ou le mouton, qui va ensuite évacuer les œufs du parasite dans la nature via ses excréments. Et donc ici rentre en scène un troisième hôte, l'escargot. Comme je te disais, c'est pas toujours simple. Là, des fois, il faut qu'ils passent dans trois hôtes pour pouvoir finir leur développement. Okay. Et c'est dans l'escargot que là, le cycle parasitaire va s'achever en libérant des larves qui vont contaminer à leur tour des fourmis et ainsi de suite. Et ça arrive souvent que le parasite pousse comme ça son hôte au suicide? Oui, c'est vrai que là, on pourrait parler de suicide à une fourmi qui attend en fait de se faire manger au bout de sa brindille. Et oui, c'est quand même assez courant quand on parle de parasitisme. Alors, par exemple, le ver parasite du grillon des bois fait encore mieux. Ah bon? Le ver donc vit dans un hôte terrestre, le grillon, mais pas facile, doit se reproduire dans un milieu aquatique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il manipule le comportement du grillon de sorte à ce qu'il se jette dans l'eau. Et alors que le grillon ne sait même pas nager, donc en fait, il suicide complètement. C'est fait. Et le ver trématode, qui parasite la gamarde, donc qui est un crustacé d'eau douce, cependant, ce ver-là, il doit poursuivre son cycle de vie uniquement dans les oiseaux aquatiques. Donc il faut qu'il puisse aller dans cette hôte-là. Donc pour augmenter ses chances, il va pousser la gamarde en fait, à nager plus en surface pour que les oiseaux plus facilement les manger. C'est quand même fascinant. Mais dans les exemples que tu nous as donnés, la manipulation parasitaire est souvent utilisé pour passer d'un hôte à un autre, Oui. Est-ce qu'il existe d'autres avantages? Oui, alors ça peut par exemple être la protection de la descendance. Alors je vais prendre la guêpe américaine qui pond en fait elle plusieurs dizaines d'œufs à l'intérieur de la chenille d'un papillon. Alors ça le sert un peu de grotte en fait. Au bout d'une quinzaine de jours, les larves vont quitter l'hôte. Donc la chenille, et elles vont se métamorphoser en nymphes. Alors la nymphe, c'est un stade où elles sont incapables de bouger en fait. Elles font juste se développer et donc c'est des véritables proies pour les prédateurs. Alors la chenille, elle va changer brusquement de comportement, elle va cesser de se nourrir, de bouger, et elle va devenir un véritable garde du corps pour les nymphes de la guêpe. Donc elle va éloigner les prédateurs avec des mouvements de tête. Mais c'est un comportement très efficace parce qu'on a remarqué que du coup, il y a une meilleure survie des guêpes, mais pas très avantageux pour la chenille qui, au bout d'un moment, elle meurt une fois que les adultes émergent. Est-ce qu'il existe des explications à ces comportements? J'imagine que les parasites ne font pas changer brusquement de comportement à leur hôte par magie. Ben non, évidemment. Les scientifiques cherchent en effet à comprendre comment les parasites réussissent à prendre le contrôle de leur hôte, mais ça reste encore souvent mystérieux ou au stade d'hypothèse. Mmh. Alors pour cet exemple de la guêpe et du papillon, l'hypothèse apportée est que quelques larves en fait seraient sacrifiées, resteraient dans l'hôte et modifieraient son comportement peut-être par la sécrétion d'hormones. Alors, pour terminer, je voulais vous parler d'une manipulation parasitaire qui pique la curiosité des chercheurs. On en a entendu quand même pas mal parler ces dernières semaines. C'est le parasite responsable de la toxoplasmose, Toxoplasma gondii. Et ce n'est pas un parasite qu'on retrouve chez l'homme également, ça? Oui, tout à fait. Donc, il infecte aussi l'homme. Mais c'est d'abord du comportement induit chez les rats et les souris dont je voulais vous parler. Parce que c'est un peu le monde à l'envers. Lorsqu'ils sont parasités, c'est un peu la souris qui court après le chat, l'inverse. En fait, le rongeur n'a plus peur du félin. Incroyable. Alors, quel est l'avantage cette fois-ci pour le parasite? En fait, c'est que le cycle du parasite de la toxoplasmose est assez complexe. Donc, il doit obligatoirement passer par l'intestin d'un félin, donc notamment le chat, pour pouvoir se reproduire. Ensuite, le rat ou la souris va manger les excréments du chat, donc il va s'infecter. Et ensuite, celui-ci enlève, donc le parasite enlève en quelque sorte cette peur du chat. Donc ainsi, le rongeur a plus de chances de se faire manger par le chat et donc le parasite de pouvoir se reproduire. Ah ouais. Alors c'est sûr que depuis la domestication du chat, nous sommes plus exposés aux parasites de la toxoplasmose. On va changer la litière, caresser notre chat. Alors nous, il se loge dans notre cerveau. Alors mis à part que c'est un peu, c'est pas très agréable de savoir que nous avons un parasite dans notre cerveau, il n'est pas forcément dangereux, il y en a beaucoup qui le portent, à part pour les femmes enceintes. Ok, pour les femmes enceintes, c'est dangereux, oui. Oui. Et est-ce qu'il modifie aussi notre comportement? On aimerait davantage les chats. Peut-être que les gens qui aiment les chats ont la toxoplasmose, je ne sais pas. Il y a eu des recherches qui ont montré que le parasite pouvait être associé à des troubles de la personnalité, mais ça a quand même été très controversé. On n'en sait pas trop de ce côté-là. Par contre, il y a plusieurs études qui ont montré que le parasite modifiait certains aspects de notre comportement, ce qui lui aurait permis de mieux se diffuser au temps où nous étions chassés par les félins. Alors, des chercheurs du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, en France, ont montré que nos plus proches parents, les chimpanzés, sont attirés en effet davantage par l'urine de léopard quand ils sont parasités. Ah, et le léopard, c'est un des prédateurs du chimpanzé. D'accord. Et apparemment, il y a des études aussi qui auraient montré que l'on apprécie aussi mieux l'odeur de l'urine, donc nous, les humains, enfin du chat, lorsqu'on en est parasité. À voir. Ouais. Alors, selon certains travaux, le parasite se logerait en préférence dans l'amygdale, qui est une région cérébrale essentielle pour la réaction de peur, et directement connectée au système olfactif. Donc en fait, lorsqu'un animal sain respire l'urine d'un prédateur, cette région va s'activer fortement et va transmettre l'information au reste du cerveau, et effrayé, l'animal va éviter le danger. Et en fait, c'est ce mécanisme-là que le parasite perturberait. Alors voilà tout un mécanisme. Si on est infecté et qu'on n'a plus peur du chat, c'est pas trop grave pour nous. Le chat ne devrait pas nous dévorer. Non, je pense pas. Merci beaucoup, Adèle. On va faire une courte pause musicale et après on vous revient avec le mot de la fin.